d'entreprise exclusif. Avec la retraite Madelin MMA, en cas d'arrêt de travail, vos versements retraite sont pris en charge. Dans les conditions, limites et exclusions du contrat, disponible auprès de votre conseiller. France Inter, il est 17h. Les infos riment avec Margot. Margot Delpierre, c'est à vous. À la surprise générale et pour la première fois dans l'histoire, le prix Nobel de littérature revient à un musicien. Bob Dylan est récompensé par l'Académie suédoise pour son écriture pleine de poésie. À 75 ans, le chanteur américain aux 500 chansons est applaudi pour ses textes dans lesquels il livre sa vision du monde. Sans aucun doute, Bob Dylan a influencé toute une génération d'artistes, selon le journaliste musical Christian Eudelin. Il y a un courant Dylan, c'est-à-dire que sans Bob Dylan, il n'y aurait pas eu de Leonard Cohen, ou il n'y aurait pas eu de John Lennon ou de Velvet Underground. C'est-à-dire que vous avez Elvis qui est le premier rocker, vous avez les groupes, les Beatles, et puis toute la chanson contestataire, le folk rock, la chanson qui va se servir de sa guitare comme d'une arme, un fusil, c'est Dylan qui l'initie. Dans les années 60, c'est quand même l'année où il y a une rébellion des jeunes générations par rapport aux croulants, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, les parents. Bob Dylan est l'un des premiers à dire merde à la société, mais aux parents et aux politiques. Le journaliste musical de La Croix, Christian Eudelin. Et alors qu'un nouveau Nobel est décerné, un autre s'éteint. L'Italie perd l'un de ses grands auteurs, Dario Fo, 90 ans. Cet écrivain exubérant anticonformiste avait reçu la prestigieuse récompense en 97. Il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre populaires empreintes de critiques sociales comme Faut pas payer ou Mister Bouffe. Les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre sont dans les starting blocks. Ils participent ce soir au premier débat télévisé sur TF1. Ils auront chacun une minute pour répondre aux questions et 30 secondes seulement pour répondre à un adversaire. D'après les sondages, Nicolas Sarkozy est à la traîne derrière Alain Juppé. Alain Juppé qui trouve les propos de François Hollande sur la justice d'une extrême gravité. Dans un livre d'entretien avec des journalistes du Monde publié aujourd'hui, le président de la République qualifie la justice d'institution de lâcheté. Ces propos sont une humiliation selon la Cour de cassation. Le Premier ministre Manuel Valls a défendu le chef de l'État ce soir, estimant que rien n'a été fait, je cite, contre la justice et que celui-ci avait respecté son indépendance. Jacques Chirac a quitté l'hôpital après les rumeurs les plus alarmistes. L'ancien président de la République, âgé de 83 ans, poursuit sa convalescence chez lui, déclaration de son gendre tout à l'heure. Il était hospitalisé depuis près d'un mois pour une infection pulmonaire. Les frères Bengler, considérés comme les chefs d'un clan ultra-violent, impliqués dans le trafic de drogue à Marseille, sont condamnés à 20 ans de prison pour un enlèvement violent, mais acquittés pour un règlement de compte mortel commis il y a 6 ans dans la cité phocéenne. Le parquet avait requis 30 ans de prison pour les deux motifs d'assassinat et de séquestration. L'armée russe se dit prête à organiser pour les rebelles syriens un retrait sécurisé d'Alep. Moscou, qui soutient le régime syrien, propose de laisser un libre passage pour les civils de l'est de la ville et d'acheminer de l'aide humanitaire. C'est un pas en avant alors que samedi, les représentants des diplomaties russes et américaines et d'autres pays de la région se rencontrent à Lausanne, en Suisse. Ils vont tenter de négocier un cessez-le-feu en Syrie. Le président américain Barack Obama rend hommage à un ami proche des États-Unis. Le roi de Thaïlande est mort aujourd'hui à 88 ans après 70 ans de règne. Il avait dans le pays un statut de demi-dieu. Idolâtré, c'était un symbole de l'unité nationale. C'est pourquoi le ministre néerlandais des Affaires étrangères demande à ses ressortissants en Thaïlande d'éviter les déclarations critiques à propos de la dynastie et de respecter les usages locaux. Le prince héritier devrait lui succéder. Dès 20h, l'Hérault passera en vigilance rouge. Les fortes pluies font craindre des inondations. Les départements limitrophes du Gard et de l'Aude restent en alerte orange. La vigilance sera maintenue jusqu'à demain matin. Par précaution, la cérémonie prévue vendredi à Nice en hommage aux victimes de l'attentat et en présence du chef de l'État est reportée à samedi. Une sage décision selon la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. On a une cellule interministérielle d'aide aux victimes qui a contacté toutes les personnes qui étaient invitées pour les prévenir. Il y a des efforts considérables qui ont été faits. Pour vous donner un exemple très concret, les hôteliers à Nice ont mis à disposition 500 chambres d'hôtel pour pouvoir héberger ceux qui étaient présents, pour qu'ils puissent rester plus de 24 heures. Du côté des taxis, il y a 150 chauffeurs qui se sont mobilisés pour pouvoir transporter les invités gratuitement. Pour le moment, une majorité des familles des 86 victimes décédées a répondu présent. Ça fait 200 proches des victimes décédées qui seront présents. Par ailleurs, on a également contacté, à la demande des associations, les personnes choquées qui étaient présentes sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Et il y en a 1000 qui seront présentes. Reporter de 24 heures, c'est vraiment une décision de sagesse. La tempête qui est prévue à Nice n'aurait pas permis que la cérémonie se déroule dans de bonnes conditions. La secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. On fait un tour par la Bourse de Paris avant la clôture. Elle est dans le rouge ce soir, Jean-Yves Courcial. Et oui Margot, la place parisienne se dirige même vers un troisième repli consécutif. En forte baisse dès l'ouverture, le CAC 40 recule actuellement d'1,41% à 4389 points. Les investisseurs ne réagissent pas vraiment à la perspective d'une hausse des taux aux États-Unis qui semble déjà intégrée par le marché. Mais l'inquiétude vient de Chine où les dernières statistiques sur le commerce extérieur ont été particulièrement décevantes. Repli également à New York où le Dow Jones cède 0,91% et le Nasdaq -1,03%. Du côté des devises, l'euro s'échange contre 1,1027 $. Et en ce qui concerne les valeurs, les rumeurs d'un prolongement des mesures de soutien de la Banque Centrale Européenne profitent aux foncières comme Unibail-Rodamco qui gagne 1,34%, alors que ces rumeurs de la BCE pèsent sur les financières à l'image de l'assureur AXA qui abandonne 3,73%. Je vous rappelle le CAC 40, il recule d'1,39%, il redescend à 4390 points. La Bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Mardi prochain, à partir de 22h, okay. Liminianas et Voodoo Game en concert sur France Inter. Vêtu d'un maillot de panthère. Laurent Goumard. Double affiche avec Liminianas, le chaînon manquant entre le rock garage américain et la nouvelle vague yéyé française. J'ai pris mon allure de croisière. Et Voodoo Game, de l'afrofunk, on est content. Pour faire partie du public, réservez gratuitement vos places sur maisondelaradio.fr. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. Vous écoutez France Inter, il est 17h07. Si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. C'est maintenant, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est maintenant, bonsoir, merci pour ces informations. Il y en aura d'autres, bien sûr, à presque 17h17. Elles sont chaudes. Généralement, c'est vers même 17h22, 23, ça dépend. Des fois, ça n'arrive jamais, on ne sait pas. On ne sait plus, il n'y a pas de concept. Merci. Écoutez comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Oula Alex. Je suis fâché. Oui, je vois ça. Oui, ben Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Ah, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Dario Fo en est mort. Ah non, on n'est pas sûr qu'il y ait un lien. Et moi j'aime bien Bob Dylan. Bah, moi aussi j'aime bien. J'aime bien Bob Dylan comme chanteur, mais c'est un outrage à la littérature. Ouais, t'exagères. Non, et l'an prochain, c'est qui va le prix Nobel de physique? Zinedine Zidane, parce qu'il utilise bien la gravité dans ses coups francs. Bon, écoutez, déjà on va se mettre à travailler. Oui, enfin, en tout cas, je serai Michel Houellebecq, j'apprendrai déjà 4 petits accords de guitare. Ah bah moi je serai Michel Houellebecq, j'irai chez le dentiste déjà. Oui, ça va là, on peut travailler ou non? C'est qui l'invité? C'est Antoine. Oh yeah. Oui, alors, bah, ça, bon, alors, il vient pour un livre de textes et de photos qui s'appelle Escale en Polynésie. Mais on va le prévenir qu'il n'est pas à l'abri de choper le Goncourt. Oui, bah, en tout cas, on va pas prendre Bob Dylan comme sujet, ça t'énerve. On peut peut-être passer un disque. Ah oui, un disque, ça oui, mais c'est normal, c'est un chanteur, on passe un disque. Bah, dès que Patrick Modiano sortira son prochain album, on passera une chanson. Voilà. Voilà. Alex, oui, j'ai une question. Oui. Si on l'avait donné à Michel Thor, le prix Nobel de littérature. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Ah, et Michel Thor, même quand elle sautait, il y a la poésie qui émane. Ah, oui. Michel Thor, elle aurait même dû avoir le prix Nobel du physique. Non, bah, Michel Thor, à mon avis, elle te mettrait surtout un bon vent. Ah, ça, oui, ouais. Dis pas de mal du vent, mon gars. Hein, quoi? Parce qu'il porte les réponses. Non. La réponse, mon ami, est soufflée par le vent. Non, mais Alex, c'est ridicule. Non, mais c'est pas avec ça que tu vas avoir le prix Nobel de littérature, là. Moi non, mais Bob Dylan, ouais. Bien sûr, my friend. It's blonde and the wind. Bien sûr, it's blonde and the wind. C'est beau. Bonjour, la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui écrase l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir en purée jusqu'à 18h. Malgré la guerre en Syrie, la situation en Ukraine ou l'annexion de la Crimée, il y a en France des adorateurs de Poutine qui le défendent de manière là aussi totalement décomplexée. Il est imbattable sur le plan de la force, de l'endurance ou de l'agressivité. À vous entendre, il serait indestructible. Oui, il l'est. Dans les Alpes ou dans le sud de la France, des passeurs bénévoles aident les réfugiés à se cacher ou à prendre le train pour les aider à progresser sur le chemin de l'exil. Dis au chef que pour aller en Angleterre, le mazout, ça suffira. Mais faut pas zigzaguer, hein. Haïti cumule les pires catastrophes alors qu'elle était nommée la perle des Antilles. À chaque fois que les Haïtiens se relèvent, c'est pour affronter le prochain péril. Ouf, quel travail répugnant. Ça aurait pu être pire. Comment ça? Il pourrait pleuvoir. Et moi, je suis accompagnée du prix Nobel de la brève insolite, Alex Vizorek. Eh bien, je ne l'ai pas volé, celui-là. Et autour de la table, pour nous accompagner, une belle équipe, 17h20, il a le look d'un fan de Johnny Hallyday, la douceur d'un fan de Frédéric François et les goûts musicaux d'un client Audica. C'est Chewbacca, bonjour. Mais tu es toujours ami avec lui, hein. Oui. De quoi on va parler? Bah, de mieux en mieux, de mal de mer. Ah, très bien. Voilà. Mais de musique un peu aussi? Bah, c'est son nom. Très bien. Ah, pardon. Voilà. 17h30. Il a un look de gendre idéal. Enfin, le jour où ses beaux-parents habiteront Neuilly-sur-Seine et voteront Henri Guénaud, on en reparlera du gendre idéal. C'est Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi aujourd'hui, je vais vous parler de drogue. Hein, des gens qui meurent d'overdose, des salles de shoot. C'est léger comme sujet. Oh, ça va fumer un joint, c'est bon, ça va te détendre. Et 17h40, elle a le look d'une princesse, les cheveux de Pocahontas, l'élégance d'une Cendrillon des Cévennes. Mais sentimentalement, c'est la Reine des Neiges parce que son cœur reste de glace. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on parle? Une prise d'otage. Très bien. Vous me la mettez toujours bien en condition. Bah oui, hein. Oui. Alors, je me tourne pas. Vers celui qui préside cette émission, qui a fait escale chez nous, mesdames et messieurs. Vous avez fait centrale, oui. L'école, hein, pas la prison. Centrale, oui. Et le jour de votre dernier examen, qui fait de vous un ingénieur, vous êtes en vedette à l'Olympia grâce à votre tube, les élucubrations. Il y en aura d'autres, hein, des tubes, Je l'appelle cannelle, Touchez pas à la mer, Atoll les opticiens. Vous publiez des livres. 12 ans. Vous publiez des livres, vous réalisez des documentaires sur les îles depuis votre QG qui est votre île à vous, Banana Split, voilà. Votre bateau. Vous êtes Je suis Antoine. Ah, mais non, mais si. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Antoine, en escale chez nous, entre où et où? Vous rentrez d'où? Vous partez où? J'arrive des Toits-Boutous. Et je pars en tournée de conférences la semaine prochaine à travers toute la France. Donc, je fais une croisière en France. Ah, voilà. On est très écoutés au Toits-Boutous. Voilà, je crois. Et là, donc, je pars faire une conférence avec ce film sur la Polynésie. Mm-hmm. Je vais présenter dans un peu toutes les villes de France. C'est la raison pour laquelle je suis en France. Oh, là, voilà, Antoine est en tournée et il publie Escale en Polynésie. C'est paru chez Gallimard. Un livre très, très, très riche en photos qui passe en revue tous les confettis. Voilà, toutes les îles, parce que... Mais tous. La Polynésie, ça s'étend sur un territoire qui est grand comme l'Europe, un peu plus grand même. Et au total, c'est grand, les terres immergées sont grandes comme un tout petit département français. Voilà. Donc, il y a un immense espace entre les îles, et on vit une vie nouvelle dans chaque île, en quelque sorte. Oui. Quoi. Moi, je viens d'une navigation, là, j'ai passé un an et demi en Australie et Nouvelle-Zélande, et puis je viens de revenir 3 600 000, ou près de 4 000 milles, pour rejoindre la Polynésie, et là, je vais y rester quelques temps. Avec un faible bilan carbone, parce que c'est en bateau. Faible bilan carbone, oui, c'est en bateau. J'ai même mon annexe, même mon dinghy, j'ai un moteur hors-bord électrique, maintenant, avec panneaux solaires. On les salue parce qu'on est beaucoup écoutés. De partout. Ah voilà, oui. À les Polynésiens, eh bien, Yorana Auto Paratoa. Ben voilà. Exactement, je vous l'enlever de la bouche. Escale en ça Polynésie. Ça se trouve, il vient les insulter, on ne sait pas. Hein. Antoine, évidemment, il y a des textes, hein, vous expliquez la particularité de chaque île, éventuellement les gens qui ont fait la réputation de l'île aussi. Évidemment, il y a Brel et Gauguin. Mais il y a énormément de photos qui sont splendides. Alors, j'imagine que c'est un peu difficile de rater une photo dans ces endroits-là, mais quand même, comment vous avez rassemblé tous ces clichés et à qui vous avez fait appel pour bon, ça? D'abord, les 4/5 des photos ont été prises par ma compagne et moi-même. Mmh. Ma compagne, moi, j'ai la caméra, je filme, elle fait les photos. Donc, elle s'appelle Francette, elle est excellente photographe. Donc, les 4/5 des photos comme ça. Mais en plus, j'ai fait appel à des gens qui ont marqué qui ont construit l'image de la Polynésie. Par exemple, là, tout d'ailleurs, vous disiez, il y a des femmes à poil. Non, il y a un... Mais oui, on a remarqué qu'il y avait des Polynésiennes. Il y a des Polynésiennes. Il y a deux très grands photographes qui s'appellent Sylvain et Teva Sylvain, son fils, qui ont non seulement fait des très belles photos de paysages et de tahitiennes avec vêtues de peu de choses, d'un collier de fleurs, par exemple, mais en plus, ils ont vraiment formé l'image de la Polynésie et de ces femmes aussi, mais aussi de la beauté du pays grâce à leurs photos. Alors j'ai fait appel à d'autres photographes, d'autres qui ont des navigatrices. Là, vous avez une page, là, par exemple, c'est une navigatrice qui, oui. qui est arrivée, elle a fait des milliers de photos incroyables et un site internet comme ça. Grâce à internet, j'ai trouvé des photographes peu connus. Oui, vous êtes très internet, hein, vous êtes apporté, très branché. Oui, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, ouais. Mais par contre, je suis très internet, accéder ouais. à un tas de choses. Quoi. Et donc, des photos magnifiques de ce pays. On a visité pratiquement toutes les îles, et lorsqu'il en manquait une, par exemple, l'île de Rapa, c'est la seule île où je ne sois pas allé en Polynésie, pratiquement, et ben, j'ai trouvé un ami qui est gendarme, et qui a fait des photos là-bas, superbe, et qui m'a donné des photos. est-ce que vous étiez accompagné d'un roman? Parce qu'il y a Melville, il y a Stevenson, qui ont beaucoup... Ils ont aimé passionnément la Polynésie. Ben, il y a Melville, il y a une page sur Melville, mm-hmm. il y a une page... Non, il n'y a pas Stevenson, là, bon, il y en avait beaucoup, mais il y a James Norman Hall, l'auteur du Bounty, il y a, je vous dis, bien sûr, il y a Brel Gauguin, il y a d'autres... Melville, c'est Marquise. Homo, c'est à Tahiti, mais le premier, c'est Tahiti, c'est à Tahiti. Et c'est des gens aussi qui ont formé l'image, voilà. Et ce livre, ce qui est important pour moi, c'est que... Il y a eu des livres mythiques sur la Polynésie qui ont été faits il y a des années. Et puis, depuis quelque temps, les gens sont un peu compliqués, complexés. Ils n'osent pas. Ils font un truc sur le tatouage, sur le mana, sur des sujets pointus. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu faire un livre sur toute la beauté. Toute la beauté de ces îles. Moi, je suis là pour... Oui, la beauté, seulement parce qu'à un moment, il y a une page sur Mururoa. Oui, mais alors vous dites, la malédiction de Mururoa, ça n'est pas une éventuelle radioactivité résiduelle, ce sont les phyllaos, les arbres de fer, une espèce très invasive. Voilà, c'est ça. Bon, y a un peu de radioactivité quand même, à Mururoa. Je ne pense pas, sinon ils ne m'auraient pas laissé y aller. Ah oui, vous pensez? Ils ne m'auraient pas laissé y aller. Ouais, vous avez quand même l'air un peu atteint. J'ai fait escale. D'après les enquêtes, il y a quand même des conséquences. Oui. Mais bon, vous voyez, l'idée, c'est de voir le beau. Les conséquences, elles ne sont pas forcément sur Mururoa même. Mmh. Mais Mururoa, le plus grave, c'est sa réputation, quoi. C'est, jamais il y aura. Alors que c'est un atoll merveilleux. Et on salue Jacques Chirac, qui vient de sortir de l'hôpital pour l'ensemble de son œuvre. Antoine, aujourd'hui, Bob Dylan a été élu prix Nobel de littérature. Je lui ai déjà remis le prix Nobel depuis 40 ans, moi. Ouais. Moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Dylan. Hein. Mm-hmm. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Dylan, comme disait chantait Renaud. Avant moi, il y a eu Antoine. Avant moi, il y a eu Antoine. Avant lui, il y a eu Dylan. On les a récupérés. Société, tu ne boiras pas. C'était la chute, en fait, qui était un petit peu merdique dans cette chanson. Bob Dylan pour ses textes, pour le côté poète, pour la littérature. Oui, ben pour la musique aussi, parce qu'il a fait une part de la partie musicale de ses chansons, c'est important. Mais la littérature, ses textes, pour moi, il a été largement plus important que Camus, que tout. Ah oui. Ah ben oui. Allez, passons à disque. Djoubaka, vous êtes d'accord? Ah bah c'est quand même quelqu'un dans le monde de la musique qui à un moment a fait une scission, c'est-à-dire qu'il était quand même l'héritier aussi de gens qui avaient beaucoup écrit, qui s'étaient attachés en fait à faire de la chanson populaire, on va dire, avec en passant du temps sur les textes à Woody Guthrie, toute la scène folk américaine depuis l'entre-deux-guerres, hein, depuis la crise de 1929, où il y a vraiment eu un intérêt là-dessus. Et c'est l'héritier de ça avec l'électricité en plus. Ouais. Donc c'est quand même un courant de littérature, même au niveau de la chanson qu'on va écouter, par exemple. Oui, vous avez choisi une chanson de Djoubaka. Ouais. Laquelle? On va l'écouter, allez. All Along the Watchtower. Ok. Et bien, pas celle-ci, par exemple, il est complètement en train de faire des références à son passé et ce qu'il va devenir, mais avec un système littéraire à l'intérieur des textes qui permet d'avoir une mise en abîme permanente quasiment sur chaque mot. C'est le joker to the theme. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. All Along the Watchtower, Bob Dylan, le titre choisi par Djoubaka pour rendre hommage à Bob Dylan, qui est prix Nobel de littérature. Eh ouais, vous êtes sur France Inter. Ça vous fait mal, hein. Non, on est ouvert, nous. Antoine, c'est Antoine, notre invité fan de Bob Dylan, qui nous ramène de ses voyages un livre qui s'appelle Escale en Polynésie, paru chez Gallimard, et qui nous a apporté aussi les tomes 1 et 2 de son coffret anniversaire des voyages d'Antoine. Voilà, vous avez refilmé avec les nouveaux moyens. Les lieux que j'avais filmés pour un coffret qui était paru il y a 25 ans à peu près, qui avait eu un succès hallucinant, incroyable, mais là, 25 ans après, on est reparti filmer les Caraïbes, l'océan Indien, les îles de l'océan Indien et bien sûr la Polynésie qui est aussi dans le livre. Ne nous énervez pas trop avec tout ça. C'est qu'un touriste qui a fait un bon marketing. Et pour accompagner Antoine dans cette émission, eh bien il y a Clara Dupont-Mono, il y a Djoubaka et Guillaume Meurice. Et de l'information. Et l'information toujours. Tout de suite, allez, c'est parti. Qui me rendra mon honneur ? Ça vous reprend. Ça y est, c'est décidément une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Ce soir sur TF1, vous pourrez donc voir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-François Copé... Ah, faites entrer l'accusé, c'est... Ah, non, c'est non. Le débat de la première à droite. Ouh, oui, oui, bien sûr. Culture, Bob Dylan a été élu prix Nobel de littérature. Oui, Guillaume Musso devient le grand favori des Energy Music Awards. Il y aura une interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendue ailleurs. Et les brèves ont une des plus étonnantes que j'ai lues, et Dieu sait si j'en ai lu. Commençons par un rappel. Aujourd'hui, c'est la fameuse journée J'aime ma boîte. Oui, une pensée donc pour tous les employés d'Air France, d'Alstom et d'SFR qui doivent aimer leur boîte aujourd'hui. Politique avec cette bonne nouvelle, Jacques Chirac est sorti de l'hôpital. Il poursuit sa convalescence chez lui. Nous avons sa première réaction à la sortie. Hein. Je commençais à avoir hâte de sortir. Je commençais à trouver le temps long. Surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Et voilà, on le félicite. Oui, Christine Boutin s'est empressée de tweeter « Jésus n'est plus ma seule idole, Chirac aussi est ressuscité ». Commémoration à présent, en raison des fortes pluies attendues ce vendredi, François Hollande a été contraint de décaler à samedi la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Durant son mandat, deux femmes ont bien fait chier François Hollande, Valérie Trierweiler et Evelyne Delia. Ce soir à la télé, pendant que TF1 diffusera le premier débat des primaires de la droite sur Canal+, on pourra voir le cinquième épisode de la deuxième saison de Gomorrah. Oui, donc d'un côté des mafieux qui se battent pour prendre le contrôle d'un territoire, et puis de l'autre une série italienne qu'on vous recommande. Venons à cette information du jour, c'est Geneviève de Fontenay qui rejoint la manif pour tous. Oui, le QI moyen ne devrait pas la dépayser des Miss France. Culture et donc Bob Dylan, élu prix Nobel de littérature. Et oui, sa femme a déclaré « Je ne savais pas que je vivais avec un écrivain ». Le jury a mentionné sa... Le jury a mentionné sa poésie de l'oreille. Oui, en tout cas, c'est une grosse claque pour Francis Lalanne qui a dit « Je m'y remets tout de suite ». Télévision, c'est aujourd'hui que Cyril Hanouna va relever le défi d'être 35 heures d'affilée à l'antenne. Déjà, on félicite son dealer. Chapeau, mon gars. 35 heures d'affilée sur C8. Oui, alors que le véritable défi aurait été de ne pas voir Cyril Hanouna pendant 35 heures sur C8. Depuis cet après-midi, 14 heures, il y est à l'antenne. Oui, avec cette question, qui va rester branché si longtemps ? Je ne sais pas. À part Vincent Lambert, vraiment, je ne sais pas. Sport. Diego Maradona a deux doigts de se battre lors d'un match de foot organisé pour la paix par le pape. C'est pas de bol. Hein. La main de Dieu, il va te la foutre sur la gueule cette fois, Maradona. Et passons à cette information. Oui. Céline Dion a fait mouler la main de son mari. C'est vrai. René. Oui. Moulage de la main de René. Oui, elle la serre. Chaque soir, ouais, avant de monter sur scène. Et on a voulu en savoir plus. On a interrogé. La main est avec nous. La main factice de René. Bonjour. Bonjour, tabernac. Non, comme c'est vrai. Et ouais, j'ai la croix. J'ai un québécois, forcément, je suis la main de René. Salut nos auditeurs de Montréal. Céline Dion vous touche donc à chaque concert. Bah ouais, je suis d'ailleurs la seule qui est touchée par chaque concert de Céline. Oui, et entre les concerts, vous tournez les pouces. Ah bah non, Carlis, vous imaginez bien qu'elle l'utilise aussi pour d'autres choses. Ouais, ça j'imagine bien, ouais. C'est... Ouais, pour mettre le doigt. Bah ouais, quand il faut faire un lacet. Ah pardon, évidemment, c'est ce que je pensais. Mais bon, elle ne m'utilise pas que pour ça. Elle est... Quand elle est seule. Bah, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est. Elle m'utilise pour tenir le téléphone pendant qu'elle fait autre chose ou qu'elle conduit. Ouais, évidemment, pardon, non, je suppose pas. Et aussi pour d'autres activités, bien sûr. J'imagine bien pour se couvrir les yeux en cas de soleil. Ah là là là, pour me palucher la gousse quand je suis en manque. Merci en tout cas. Bon, vite, une brève. Oui. Ah, la brève, elle est mieux. Oui. Alors, on va toucher Je vous lis le titre comme il est dans la presse belge. Australie, un père de famille emprisonné pour des actes pédophiles sur sa fille, sa belle-fille, sur le chien de la famille et sur des poulets. Ma question, c'est à partir de quel âge on peut estimer que l'acte pédophile est sur le poulet? Hashtag annule tout, si vous avez des infos sur la maturité du poulet. Et ça va peut-être vous étonner, mais vous êtes sur France Inter. Et Clara Dupont-Mono est restée coincée sur Palucher la Gousse. Elle est restée coincée depuis, on l'a pas récupérée. Mais nous, on va rester sur Antoine, parce qu'il est en escale chez nous. Et il est content d'être venu. Maudit, ça se peut-tu, ça fait le même. Et puis, pour le voir en France, partout en France, parce que vous partez en conférence. Oui, en tournée de conférence. Pour 60 conférences avant Noël. Oh, dites donc. Non, mais j'adore ça. J'adore ça parce que c'est un vrai bonheur. J'ai l'impression, chaque fois que j'emmène les gens en voyage avec moi. Et puis c'est beaucoup d'argent aussi. C'est de l'argent, c'est juste l'argent qu'il faut. C'est pour juste l'argent qu'il faut. Pour retourner. Moi, je ne suis pas très préoccupé de l'argent. Ce qu'il faut, c'est la vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour pouvoir dire merde à ceux qui pourraient me demander. Et pouvoir repartir. Et pouvoir partir, voilà, c'est tout. Alors, Antoine, comme vous êtes d'un naturel joyeux et que vous envoyez du rêve, on a choisi des sujets chiants et tristes. Ouais, j'ai pensé. Ça va être dur parce que moi, je suis quand même censé apporter du rêve. Ouais, et là, vous inquiétez pas. Sujets, ils sont un peu mais c'est grave, le défi du jour, Antoine. Attention, premier sujet, qui sont ces Français qui adulent Vladimir Poutine? Alors, il y a bien sûr le FN, il y a une partie de Les Républicains qui voit dans le président russe le garant de certaines valeurs comme la grandeur de la nation, l'autoritarisme, la tradition. J'aime que tout soit bien rangé, j'aime que ma famille m'obéisse, j'aime la chasse et mes copains bourrés. Surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas donner mon pognon. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur. Car il pardonnera mes péchés. Sexy sushi, j'aime mon pays. Magnifique titre que nous a fait découvrir Chewbacca, je m'en souviens. Et j'aime aussi la tête de Clara Dupont-Mono quand elle écoute ce titre. Ah, mais j'adore. Non, j'adore. Alors Antoine, j'imagine, vous connaissez un petit peu, c'est un petit peu un modèle pour vous, Vladimir Poutine, j'imagine. Ben moi, je vais vous surprendre, je suis un fan total et absolu de Poutine. Moi. Ah oui, là c'est surprenant. Là on est surpris quand même. Je suis un fan total de Poutine. Ah merde, là c'est vrai. Je visite surtout des pays tropicaux, soleil, bleu, etc. Mais les pays enneigés. Enneigés, comme le vraiment, c'est comme ça. Mais ils sont pas, c'est pas Poutine qui les enneige. Et comme ça, j'ai eu l'occasion. C'était une découverte. Ça a été un coup de foudre, et particulièrement au Canada. Ouais. Au Canada, où la poutine, c'est un plat délicieux. Voilà. La poutine est un fort. Plat. Je vais donner la recette parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Vous prenez des frites. Vous prenez du fromage en grain. Ouais. Là, c'est pas facile à trouver, mais vous prenez du fromage normal, vous le mettez en grain parce que là-bas, c'est vendu en grain. Et vous mettez de la sauce brune, exact. De la gravy. Voilà. Et vous avez l'équivalent du hamburger québécois qui s'appelle la poutine. La poutine, non, la s'appelle la poutine. La poutine. Et c'est délicieux. Alors, il paraît que le nom a été repris par un mec qui fait... Non, pas du tout. C'est un fake, quoi. Pour moi, la poutine, je suis fan de poutine. Voilà. Ouais. C'est lourd aussi. C'est lourd aussi. Ah, la digestion, il faut avoir l'espoir. Au large du Canada, il y a Saint-Pierre et Miquelon. Vous avez vécu là-bas? J'ai vécu 6 ans à Saint-Pierre et Miquelon, quand j'étais petit, dans les îles. J'ai toujours vécu dans des pays incroyables. Et c'est pour ça que je suis devenu voyageur ensuite. Quand ça fait au cours de... Et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était très très bien. Le port pris par les glaces la moitié de l'année, et pas un arbre qui poussait, mais les gens d'une chaleur et puis un pays extraordinaire. T'as une petite question subsidiaire. En Polynésie, est-ce qu'il y a aussi un poids des traditions? Est-ce qu'il y a aussi des débats sur les valeurs famille, autoritarisme, tradition, ce genre de choses? Non, les traditions polynésiennes sont très... La guerre froide ne s'importe pas jusqu'en Polynésie. Non, mais enfin, il y a quand même les médias, puisqu'on nous écoute là-bas. L'infamie des médias qu'on a ici arrive un peu, mais atténuée là-bas. Ça arrive avec un petit peu d'atténuation. Et ils ont surtout des grandes valeurs familiales traditionnelles de là-bas qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Mmh. Par exemple, l'adoption là-bas est une chose tout à fait normale. Quoi. Mmh. Un enfant passe d'une famille à l'autre, il peut avoir deux familles différentes en même temps. Quoi. C'est pas un papa voilà, plus une maman. Ça. Et ils ont vraiment un art de vivre qui reste malgré deux siècles de religion, de missionnaires et tout. Mmh. Ils ont quand même un art de vivre, ils ont les traditions, le mana, les tikis, etc. Et c'est très important là-bas. Voilà, on a bien avancé sur Poutine. Ça, c'est vraiment un sujet, on peut expliquer qu'on est exhaustif. Mais si on avançait sur la musique, parce qu'on est avec Antoine, et Djoubaka nous a choisi quelque chose légèrement en rapport avec notre invité. Bah, je vais vous parler d'un autre baroudeur. Alors, tandis qu'Antoine est sur la flotte... Hein, le baroudeur dont je vais vous parler, lui, est sur le bitume. C'est un traveleur qui a commencé très très tôt à faire... Un traveleur. Un voyageur. Traveling. Ça aurait pu. Hein. Ah ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Et qui, vieux, quasiment au bord de l'abîme, rencontre le succès. Alors ce vagabond, aujourd'hui, fait du blues, de la country et du rock. Et il s'appelle Sissik Steve. Ah bah d'accord. Mal de mer. Man, you want me to play? I'll play. Ah, c'est joli. I'm getting kind of restless. Wanna get on the road. I'm getting kind of restless, y'all. Believe it's time to go. I wanna get on that. Alors, Sissik Steve n'est pas vraiment né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il avait vraiment plutôt deux boulets au bout des pieds, lui. Alors, dès qu'il peut, il quitte la maison, où il a appris la guitare très très jeune, en fuyant son père alcoolo. Et il part sur la route. Là, il joue de la guitare, il fait la manche, il fait de la cueillette, où il file la main à des cirques itinérants. Et il fait un peu de prison, parce que l'un n'empêche pas l'autre non plus. Alors, il ressemble à ces milliers, en fait, d'Américains qui, au moment vraiment de l'explosion du mouvement beatnik, et du mouvement hippie, ils vont aller voir ailleurs s'il fait beau. Il quitte ses amis, Janis Joplin, un groupe de musique indienne transcendantale, attendant Chachichin. Et il arrive à Paris dans les années 70, et là on le retrouve à Paris, en train de faire la manche en bas de l'Olympia. C'est-à-dire que dès qu'Antoine se produisait, il y avait Steve devant, en train de gratouiller pour récupérer quelques sous. Et là, il rencontre une Norvégienne dont il tombe amoureux. Et ils s'en vont dans ce pays où ça caille. Là, il a 5 enfants. Il arrête la guitare. Il devient ouvrier en bâtiment parce qu'il faut bien nourrir toute la petite famille. Et puis, il retourne aux USA. Et il monte un petit studio. Il rencontre la scène grunge. Alors, grunge, ça, c'est pour Alex. Le mouvement musical américain des années 90 sur le groupe le plus important. Et Nirvana. Ah, fermons la parenthèse. Alex est au courant. Voilà. Et il retourne en Norvège. Il manque de passer vraiment l'arme à gauche. Et sa femme lui demande d'enregistrer, en fait, comme un souvenir, un disque de ses chansons préférées. Ce qui fait, ce disque arrive chez un producteur anglais de télévision qui s'appelle Juice Holland et qui tombe sous le charme et qui va lui faire faire une télé, sa première télé en fait. Et dès que il passe dans la perfide Albion, on aime avoir des héros comme ça qui apparaissent. Hein. Et ben Sissik, le mal de mer, lui oublie l'angoisse de monter sur scène et va enchaîner absolument tous les festivals. Belle histoire. Bluesman. I'm gonna take you back then. Here we go. Et alors, Mal de Mer Steve, hein, c'est un musicien un peu bricoleur, hein, puisqu'il a joué sans avoir toutes les cordes de sa guitare, puisqu'il ne pouvait pas les remplacer. Donc, des fois, il joue sur trois cordes, sur une corde. Il monte sa guitare sur une caisse de résonance qui peut être un bidon d'huile avec juste un manche à balai et puis une corde, un résonateur. Et puis, il y a cette voix-là qu'on entend qui nous tiraille entre le blues des champs de coton et puis un rendez-vous dans un rad à boire du bourbon au fond du Texas, comme ça. Et on ne sait pas aujourd'hui, en fait, si Sick Steve nous a raconté toute la vérité. Parce qu'il y a une bio qui sort aux États-Unis où on re-raconte un peu sa vie. Il nous aurait trompé sur son âge, etc. Mais bon, nous, ici, l'avantage, c'est qu'on s'en fout. Ce qui nous intéresse, mais très franchement, moi ce qui m'intéresse c'est la fabulation aussi chez ces artistes, c'est-à-dire que les rêves font partie du voyage et de la rencontre, et je préfère qu'il y ait quelqu'un qui m'emmène sur Mars que quelqu'un qui me fasse faire un tour de métro en plus. Donc moi je me souviens très très bien d'un concert de Sissik dans une petite salle parisienne où il arrivait fringué comme un n'importe quel ouvrier agricole américain. Il avait la barbe grise très longue, son batteur avait aussi la barbe grise, ça faisait un peu Muppet Show, comme ça ils étaient tous les deux. Et puis il entame son concert, il nous met vraiment la tête à l'envers, on avait vraiment l'impression de se retrouver dans un monde perdu, où on pouvait voir un musicien sans artifice, qui nous faisait voyager comme ça entre Johnny Hooker et Tom Waits, et c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors Sissik Steve vient de sortir un double album, hein, Keeping the Earth Between Me and the Ground, donc Garde le cheval entre moi et la terre, et sera sur scène en novembre. Et ça, c'est son dernier succès de chez nous. Je le commande. Je le commande tout de suite. Hein. Amazon. Je le commande tout de suite Amazon. It's knowing that your door is always open and your path for you to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some line. That keeps you on the back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone, I still run in silence, tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I'm blind. I'm not to where I cannot see you walking on the back roads by the river's flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cardamom in some train yard. My beard a roughened coal pile and a dirty head pulled low across my face. Through cupped hands and around tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Thank you. waving from the back roads and by the rivers of my memory. For hours you're just gentle, holding my mind. Sissick Steve, Steve mal de mer. Ah ouais, c'est pour les dyslexiques. Allez, on lui donne le Renaudot. Allez, hop, on en parle. Allez. Gentle c'est on bon. My mind. Merci Chewbacca pour cette découverte. Ça a beaucoup plu à Antoine, oui. Ah oui, notre oui, invité. Oui. Ah oui, oui, j'aime beaucoup, c'est bien. Mais quand même, Dylan, bravo. Ouais. Antoine qui publie Escale en Polynésie chez Gallimard, peut-être prix Goncourt, oui. Comme le disait Alex, on ne sait pas, pourquoi pas. Et à côté de vous, peut-être oui. Un prix Pulitzer. Guillaume Meurice. C'est bien parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat, à savoir la drogue. Alors, c'est délicat parce que ici à France Inter, on connaît bien le problème, hein, évidemment. C'est un fléau qui touche essentiellement les programmateurs musicaux. Il n'y a qu'à écouter la playlist, hein, vous constaterez que l'abus de Xanax est un véritable fléau chez nous. Chewbacca, on est avec vous, mon bon. Et la drogue, on en parle beaucoup en ce moment avec l'ouverture de la première salle de shoot à Paris, ouais. Vers la gare du Nord, un quartier plutôt modeste d'ailleurs. Mais alors, je dis attention, la drogue frappe aussi les quartiers riches. Je m'en suis rendu compte parce que je suis allé ce matin dans le 17e arrondissement de Paris à la rencontre des drogués de ce quartier favorisé pour parler salle de shoot. On commence avec une dame qui est plutôt favorable. Si on peut les soigner, c'est bien. Et si on installait une salle de shoot juste à côté de chez vous? Ah non, non. Non, là vous seriez pas trop favorable. Je serais pas tellement favorable parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce coin-ci. Ah bah, y en a aussi vers la gare du Nord. Oui, il y a aussi dans la gare du Nord, je suis d'accord. Bon, vous êtes d'accord avec les salles de shoot, mais pas à côté de chez vous? A priori, non. Voilà, alors ça c'est une personne qui est atteinte du symptôme. C'est cool, mais plutôt chez les autres à ce moment-là, hein, faites-le. Hein, la drogue est très connue et elle touche surtout les gens de gauche, hein, faut être honnête. Elle s'appelle le caviar. Le dealer historique, c'est Jacques Lang, on le connaît évidemment. Mais au moins, cette dame est pour le principe, hein, de la salle de shoot, ce qui n'est pas le cas de tous les drogués du 17e arrondissement. Une autre dame, qu'est-ce qu'elle en pense? Contre. Alors, pourquoi? Expliquez-moi ça. Parce que je pense que ça ne peut que... qu'encourager, malheureusement, même si c'est encadré et voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous pensez ça alors? Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. Ah, vous savez pas pourquoi vous pensez ça? Non, je pense, c'est tout. Ah, alors ça c'est le symptôme qui est très connu aussi du « je répète des trucs que j'ai entendus, mais sans me poser la question ». Alors la drogue, on la connaît, elle fait beaucoup de dégâts, elle s'appelle BFM TV, hein, c'est de la pure saloperie, ne touchez jamais à ça. Alors pareil pour son produit de substitution, hein, qui s'appelle iTélé, vous pouvez tomber sur Morandini qui présente un talk show, et puis bientôt, qui sait, Michel Fourniret à la météo des plages, enfin voilà, on ne sait pas, faites vraiment, vraiment gaffe à ça. Non, non mais Bourdin, il est bien, Bourdin. Voilà, voilà, voilà, quelqu'un qui est touché, a priori Antoine, dans la consommation de drogue. Vous voyez les dégâts que ça peut causer. Hein. Alors on poursuit avec un autre drogué du 17e. Les salles de shoot, c'est très mauvais, ça doit être supprimé. C'est censé être pour aider les drogués à s'en sortir? Eh bien, aider les drogués, il y a sûrement d'autres moyens. Hein. Alors lesquels? Eh bien, des coups de pied par derrière. Le coup de pied par derrière, le fameux coup de latte anonyme. Gros succès en France, on le connaît. Drogue popularisée sous le régime de Vichy. Et on en trouve encore des traces, hein, notamment du côté de Béziers. Le symptôme est un vomissement chronique qui a lieu dans les urnes à chaque élection. Et aux Philippines aussi. Et aux Philippines, voilà. Bah, vous voyez, ça, tout, c'est international, cette drogue-là. Alors, puisqu'on parle de drogue populaire en France, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la plus connue. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Je bois. Ah. Je bois beaucoup. J'assume complètement, ça ne me pose aucun problème mental, c'est culturel, intellectuel, historique. Vous avez un alcoolisme culturel et historique? C'est pas de l'alcoolisme, je pense que j'adore ça. J'ai commencé à boire à l'âge de 8 ans, mon grand-père était médecin. Et quand vous dites que vous buvez beaucoup, c'est-à-dire? Bon là, ça regarde personne, je bois beaucoup plus que la moyenne des gens. Alors est-ce que c'est pas de l'alcoolisme ça? Je sais pas, je pose. Je n'ai rien à foutre. Voilà, rien à carrer. Ah, là on n'est pas dans le déni, on en a rien à foutre. On est dans l'affirmation de son addiction. Hashtag fier de son picrate. C'est typiquement français également ça. Hein. Alors il y en a qui assument moins leur consommation de drogue. Par exemple cette dame, est-ce qu'elle en a déjà pris? Jamais. Jamais, jamais? Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'ai fumé mais pas beaucoup. Ah. Modérément, voilà. Oui mais vous avez fumé quoi? Oh bah, des cigarettes, mais c'est tout. Hein, mais il y avait quoi dedans? Oh, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Ah ben voilà. Voilà, non, mais c'était pas... Je suis fumé longtemps, vous inquiétez pas. Ah oui, mais ça se trouve, il y avait de la drogue dedans. Ah peut-être, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah ben voilà. Ah voilà, j'ai pas fait attention. Mais c'est quand j'étais plus jeune, maintenant c'est fini. Ouais, mais je sais pas pourquoi je suis pas certain qu'elle a arrêté la drogue. Moi, je serais Valérie Pécresse, il n'y a pas que dans les lycées hein, que je ferais des tests pour repérer les fumeurs de joint. Je ferais dans les maisons de retraite aussi. Hein. On a appris que son fils fumait à Valoche, et peut-être faudrait vérifier pour sa grand-mère. Hein, pense. Bon, alors j'ai laissé Mamie Jamaïque en pleine descente pour un autre habitant du 17e qui alors lui était en pleine montée. Attention, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. La drogue, faut tuer tous ceux qui vendent la drogue. Ah. Voilà, moi je suis radical national. Ah, pardon. Ah oui. Mais alors vous en prenez ou pas? Je dis jamais. Non. Ah bon? Hé, hey, Jocelyne. Je chante Dieu matin, midi et soir et le reste ne m'intéresse pas. Ah bah ça c'est une sacrée drogue. C'est un sauvage ma parole. Allez, salut camarade. Ouais, salut, salut camarade. Alors, lui à mon avis il prend tout, hein. Prend tout ce qu'il y a. Son dealer c'est directement Dieu, hein, vous avez entendu. Donc c'est le même que celui de Jean-Frédéric Poisson, du prince du Qatar ou de Netanyahou. Donc il n'est pas prêt de redescendre. Allez, concluons avec un dernier drogué du 17ème. Qu'est-ce qu'il pense des salles de shoot? Ben moi je suis contre à 100%. C'est comme pourquoi? Ça que, ben pourquoi? Parce que c'est pas des choses qui va les aider. Au contraire, ils voudront même pas s'en sortir puisqu'ils savent que là, ils auront ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est comme donner de l'argent à un chômeur. Si on lui donne de l'argent, il ne cherchera jamais de travail. Voilà, et ça, c'est la drogue vraiment la plus dure. Celle qui est insidieuse, hein, car diffusée partout dès le plus jeune âge. Les symptômes, c'est entre autres le refus des salles de shoot au nom de la morale ou de la peur. Hein, cette drogue s'appelle l'égoïsme et le repli sur soi. En ce moment, la société française est pas loin de l'overdose. Guillaume Meurice, merci. Notre invité, lui, il est shooté à la beauté des îles. Ben c'est oui. Antoine. Oui, moi, sur ton sujet, la drogue, là, moi, je ne dis qu'un seul mot, c'est dépénaliser. Voilà. Ouais. Voilà. Président. Et pas que ça. Bah oui, c'est une solution pour vous. Bah oui, ouais. Dépénaliser, voilà. Et voilà. Sujet 2. Hein. Bah votez Antoine. Votez Antoine. Sur les hauteurs de la Côte d'Azur ou dans les Alpes, des gens aident les réfugiés à passer la frontière. Ce sont des passeurs bénévoles qui parfois cachent les réfugiés, les hébergent, les aident à monter dans le train. Si toutefois personne ne les dénonce, écoutez cette parole de passeuse. Hey, je t'ai pas dit, je suis à la rue, hein. Ah bon? Ouais, mon mec il m'a foutu dehors, le bâtard. Ah mince. Bah, soi-disant parce que j'avais trompé avec un sans-papier. C'est pas vrai, hein, je t'ai pas trompé, j'ai juste couché avec. Et je lui ai dit, c'est pas républicain comme attitude. Non, c'est pas citoyen, moi je suis pour l'ouverture des frontières, surtout les miennes. C'est Corinne Maziero dans la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. C'est un article du New York Times relayé par le Courrier International. Ça se passe à Breil-sur-Roya en France. Y a des passeurs bénévoles. Alors il y en a ailleurs. Il y en a dans les Alpes, il y en a à la frontière, toute la frontière franco-italienne. Des passeurs bénévoles qui aident les réfugiés bloqués à la frontière à la franchir. Alors en lisant l'article, il y avait un petit goût des années 40 parce qu'il y a ceux qui cachent les réfugiés, qui les aident à fuir. Et puis ceux qui les dénoncent. Ça peut être un chauffeur de train, ça peut être le SAMU, ça peut être... voilà. Vous les voyez comment, de quel œil, Antoine, ces passeurs bénévoles qui font... vous qui enjambez... Bon, après ce que je vous ai dit sur la drogue, je voudrais dire à peu près la même chose. Moi, ouais. je suis pour l'ouverture totale de toutes les frontières, quoi. Il devrait y avoir tout d'un coup, immédiate. Et quand le mur de Berlin est tombé... On n'a pas dit, il faut que ceci, cela, ils viennent en Allemagne de l'Ouest, alors qu'ils étaient... On a ouvert, ils sont rentrés, quoi. Moi, je suis pour la suppression de toutes les frontières, voilà. Et dans le monde entier. Bon, je suis un petit peu idéaliste. Oui, hein, c'est un petit vrai. Peu, un petit peu idéaliste, mais ça, pour moi, ça serait la solution, parce que à un moment, ça finirait par s'équilibrer par les simples lois du marché, quoi. Alors que toutes les répressions, dans tous les domaines, ne servent jamais à rien, quoi. Ça sert qu'à aggraver les cas, qu'à aggraver la situation individuelle, la situation des pays et tout, quoi. Voilà, c'est pas rigolo, mais c'est ma conviction profonde. Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on vous a invité aussi, pour connaître vos convictions profondes, Antoine. C'est la nouvelle résistance, donc, hein, c'est des réseaux clandestins de passeurs bénévoles, notamment, ils sont pas mal agriculteurs aussi, ils disent, bah, nous, on produit, alors il faut que les gens y mangent et qu'ils soient au chaud. Est-ce que c'est pas fou que ce soit le New York Times qui doive venir faire un reportage dans nos régions? Alors, il n'y a pas que, il y a France 3. France 3 qui a fait un très beau reportage à ce sujet aussi. Parce que BFM, là, on n'a pas de nouvelles. Clara Dupont-Mono, oui, sur France Inter. Moi, je voudrais juste signaler, Charline, qu'en Calabre, il y a un tout petit village qui s'appelle Riace, et qu'à l'initiative de son maire, depuis 1998, ils sont ouverts à l'accueil des migrants, et le village renaît, puisque tous les migrants ont repris les métiers qui étaient abandonnés, la broderie, la menuiserie, la verrerie. Voilà, et si on parle de belles histoires, il y en a une. Ouais. Sylvain Tesson, il vous disait il y a quelques jours, là, il vous disait qu'il a traversé une France désertée, abandonnée. Il y a de la place pour dans tout le monde. Ruralité. Ben oui, et ben, tous ces endroits abandonnés, il y a peut-être des gens qui s'y installeraient très bien. Il y a de la place, bien sûr, il y a de la place. Clara Dupont-Mono, il y a de la place pour vous aussi. Oui, aussi pour l'actualité, pas tout pour moi. L'actualité prend plus de place que moi. Elle prend plus de place que moi. Mais c'est aussi bientôt le 30e anniversaire du début de l'affaire de l'Iran Gate. Le 3 novembre 1986, nous étions à peine nés autour de cette table, je le sais. Nous étions une idée. Un rêve vaguement caressé du bout du doigt, mais enfin, j'espère ne pas vous l'apprendre. Le 3 novembre 86, donc pour la première fois, un journal a révélé que les États-Unis avaient vendu des armes à l'Iran ennemi juré, en échange de la libération d'otages. Le 13 novembre, 10 jours après, à la télévision, le président Reagan reconnaissait la livraison d'armes à l'Iran et, comme par hasard, certains otages étaient libérés à peu près dans les mêmes dates. Ça a fait un grand scandale et nous, ça nous a fait une grosse question, puisque c'est là où la littérature intervient. La question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un otage ? Qu'est-ce qu'il fait pour tenir ? Alors, son premier objectif, figurez-vous, c'est de ne pas devenir fou. En tout cas, c'est ce que nous apprend un roman graphique, comme on dit à la place de bande dessinée, qui s'appelle « S'enfuir, récit d'un otage » de Guy Delisle, que je vous recommande. Vous partirez avec Antoine, vous qui êtes épris de liberté. Vous verrez ce que c'est que d'en être privé, c'est exactement ça. Il se trouve que Guy Delisle, il a écouté et il a retranscrit en dessin les souvenirs de Christophe André, qui fut responsable d'une ONG dans le Caucase. Pendant longtemps. Et puis une nuit de 97, alors qu'il était seul dans le local, eh bien des hommes ont pénétré dans le local de l'association, ils l'ont cagoulé la tête et l'ont emmené. On le suit. Donc on découvre Christophe André qui n'a aucune idée de qui sont ses ravisseurs. Il comprendra plus tard qu'il s'agit de nationalistes tchétchènes. Mais du coup, évidemment, il ne sait pas où on l'emmène. Il n'a aucune idée, évidemment, de ce qu'il va advenir de lui. Et en fait, on mesure à quel point l'ignorance est la première fragilité de l'otage. C'est-à-dire qu'il passe un temps fou à essayer de deviner, alors avec la langue des ravisseurs, avec la lumière sous la porte, avec la durée du transport. Il est obligé de déduire sans arrêt. Il n'a pas le choix. Mais le revers de cet effort de la pensée, c'est que ça peut vous rendre fou. Et dans la BD, on voit Christophe André qui est attaché à un radiateur, il le restera 111 jours, et il essaye de se demander, alors, pourquoi personne ne vient le chercher ? Il échafaude des hypothèses, là, ils ont dû prévenir le Quai d'Orsay, ils ont dû prévenir ma famille, ils ont dû voir que j'étais plus là, etc. Et puis, il réalise qu'il va perdre pied à réfléchir, en fait, sans arrêt sur du vide. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rabat sur les batailles de Napoléon, qu'il adore et qu'il récite, attaché à son radiateur. On le voit comme ça dans la case, accroupi, égrené les quasi 9 jours de la bataille d'Austerlitz et ensuite passé à la bataille de Borodino en 1812. Il récite. Dans la même logique, Jean-Paul Kaufmann, qui a été captif au Liban pendant plus de 1000 jours, avait raconté qu'il avait lu 22 fois « Guerre et paix » de Léon Tolstoï. Et Ingrid Betancourt, 6 ans et demi de captivité dans la jungle amazonienne, pour sa part, avait le dictionnaire encyclopédique Larousse. Ces otages, dans ce qu'ils ont raconté, portent aussi en eux une espèce de chapelet de souvenirs heureux qui les aide à tenir. Ils puisent dedans en évitant de se noyer. Je comprenais maintenant que la vie nous remplissait de provisions pour nos traversées du désert. C'est ce qu'a écrit également Ingrid Betancourt dans son livre sur le silence et sur sa captivité. Dont la traversée du désert n'est pas finie puisqu'elle soutient Sarkozy. Voilà, je vous remercie pour cette intrusion qui est largement en rapport avec le ton de la chronique. Autre bouée à laquelle Christophe André s'accroche, c'est le décompte des jours. Je cite, il dit « Le temps, c'est la seule chose dont je sois certain. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce que j'ai comme repère, c'est le jour et la date. » Et d'ailleurs, on le voit à un moment qu'il panique parce qu'il ne sait plus si c'est dimanche ou lundi. Et le fait de retrouver que c'est lundi, ça y est, il peut renaître. Au passage, je salue la prouesse de tenir 400 pages dans la même petite pièce que dessine Guy Delisle, alors qu'en fait, il ne se passe rien, sauf la sortie aux toilettes, sauf l'apport du dîner du soir. On attend avec l'otage. En fait, Guy Delisle dessine des instants de suspension dont les ex-otages ne sont pas sûrs de complètement sortir. Jean-Paul Kaufmann avait dit, 10 ans après sa libération, je cite, « Une part de moi-même erre à jamais dans le royaume des ombres, dans le fleuve des morts, nous avons approché de très près l'autre rive. » Je vous redonne les références que vous retrouvez dans le Parisien Magazine. Ah, quel dommage. S'enfuir, récit d'un otage de Guy Delisle, est paru chez Dargaud. Et les livres d'Ingrid Betancourt et Kaufmann qui n'a jamais écrit sur sa captivité. Donc, par contre, il y a les romans de Kaufmann. Mmh. Merci Clara Dupont-Mono, et on peut vous merci réécouter beaucoup sur franceinter.fr. Ça donne très envie de le lire. Donc Antoine va repartir avec. Avec plaisir. Exactement. Allez, Haïti vient de subir une nouvelle catastrophe, l'ouragan Matthew qui a fait plus de 1000 morts. Le choléra est de retour après le tremblement de terre de 2010. 3 ans de sécheresse à cause d'El Niño, plus la misère. Mais alors là, Haïti cumule vraiment tous les malheurs alors qu'elle était appelée la perle des Antilles. Joséphine Baker. Alors Antoine, je sais que vous voulez parler que du beau, mais tiens justement, on a choisi ce sujet pour avoir une pensée pour Haïti. Vous m'avez gâté. D'abord, expliquons. Bon, je voudrais saluer quand même le voyeurisme de la presse, en particulier cet article du Monde qui commence vraiment par les gens en train de se chier dessus. Quoi. Oui. Bah, il y a une épidémie de choléra. Je sais, mais quand même, ça fait un peu du voyeurisme. Quoi. Alors moi, je vous parlais de Tahiti, belle. Mm-hmm. Tahiti, magnifique. Moi, j'ai eu la chance. Haïti, vous l'avez dit. Tahiti, ouais, excusez-moi. Haïti, vous voyez. Haïti qui cumule donc les. Alors juste un mot, il y a quand même un lien, enfin, l'ONU a reconnu un lien entre pauvreté et catastrophe naturelle, etc. Ouais. Donc je vous renvoie évidemment à tous ces articles, mais c'est aussi une île qui est. C'est une île magnifique. Je suis ému parce que c'est une île que j'adore. Mm-hmm. J'y suis allé bien souvent. Et je connais par exemple dans le sud de Haïti un endroit merveilleux qui s'appelle l'île à Vache, où il y a des plages superbes, un petit hôtel de rêve, les bateaux font escale, il y a des gens qui sont là avec leurs vieux bateaux à voile et tout. Eux n'ont pas souffert, parce que c'est le nord qui a le plus souffert, mm-hmm. je crois. Ah non, j'ai des conneries, c'est le sud qui a souffert. Non, j'ai des bêtises. Et cette fois-ci. Et l'endroit, Haïti, c'est une île merveilleuse qui a tout qui devrait être un paradis. Un peu comme mon île natale, Madagascar, c'est des îles qui devraient être des paradis. Et pourquoi ? Alors qu'ils sont à deux pas de l'Amérique, où il y a des milliers de touristes qui seraient ravis d'aller en Haïti s'il y avait une solution, quoi. Pourquoi ? Par quel mystère ce monde imbécile fait qu'ils sont dans la misère, ils sont dans le Moyen-Âge là-bas. Alors, il y a évidemment beaucoup de facteurs. Il y a facteur géographique, géologique, un facteur politique. Oui, mais la Floride a autant de cyclones et survit bien. Oui, mais pas autant de pauvreté. Il y a un lien évidemment entre pauvreté, absorber les catastrophes naturelles, à peine se relever. Et puis c'est le premier pays qui a été indépendant, la première colonie qui a levé qui a secoué le joug de la colonisation et de l'esclavage. Alors que la voisine, la République dominicaine, va beaucoup mieux. Voilà, c'est vrai. Antoine est avec nous et on a un rôle à vous proposer pour finir encore avec le sourire, Antoine. Évidemment, le rôle dans le sketch, vous êtes Antoine. Je suis Antoine. Et, voilà. Oui, et vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que Manuel Valls y arrive samedi et vous l'accueillez parce qu'il ne sait pas très bien où il va. Guillaume Meurice et Manuel Valls. Ah, enfin arrivé. Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, monsieur Valls. Ah, mais vous êtes le mec aux cheveux longs et aux idées courtes, c'est ça ? Et vous êtes le mec aux cheveux courts et aux idées fixes ? Ah, j'entends qu'on m'a eu, là. Non, c'est le vent qui souffle, on marche toujours contre le vent, ici. Non, bah c'est pas grave, j'ai aussi l'habitude. Vous n'êtes pas au débat des primates ? Des primaires, pardon. Ne provoquez pas, monsieur Antoine, non, c'est le débat de la droite, aujourd'hui. C'est bien ce que je disais. Non, mais rassurez-moi, vous voterez pas Sarkozy, quand même. Non, si c'est une île, on vit de la pêche, on vote poisson. Ah, évidemment. Alors, comment se porte la République ? Pas trop de soucis avec les Roms ? Les quoi ? Les Roms. Y en a pas. Et les fichiers S ? Les fichiers S, quoi ? Les fichiers S, les radicalisés, quoi. Oh, bah une fois, il y a un pêcheur qui a fait exploser sa bouée, mais sinon, il y en a pas. Ah bon, les fraudeurs, alors ? Y en a pas. Mais non, mais ceux qui ont fait de la tôle. La tôle ? Les opticiens ? Non, la tôle, la prison, enfin, pour pas que les délinquants fuient. Ah ben oui. Arrêtez de rire de votre propre blague, monsieur Antoine, écoutez. C'est pas ma blague, c'est toi qui l'as écrite, couillon. Bon, alors, où voulez-vous qu'ils aillent ? 2 kilomètres de chaque côté, c'est... 2 kilomètres de chaque côté, c'est l'océan. Les seuls caches qu'on a ici, c'est le cirque Medrano, et il vient pas souvent. Tout est si différent de la France, ici. Oh, monsieur Valls. Oh là, mais c'est une femme en burkini, ça, et les valeurs de la République. Mais c'est pas un burkini, c'est ma parka en poudlou. On peut pas vivre autrement, il fait glacial, ici. Ici, même Marianne ne monte pas son sein. Elle a une grosse polaire, un gros polaire. Liberté, égalité, gros col roulé. Ça va, c'est le même climat que lorsque je rentre à l'Assemblée. Oh, bah on a parfois des grosses tempêtes. Hein. Ah, jamais de catastrophe naturelle ? Ouais, si. Laquelle ? Bah, il y a 2 ans, François Hollande est venu. Ah, merde, évidemment. Ouais, à mon avis, sauf surprise, vous le verrez plus, là. Hein. Et vous non plus, j'imagine. Calmez-vous, je fais un 49.3, là. Hein. En Fahrenheit, ça fait à peu près la température d'ici. Dites, quand François Hollande il est venu, il a changé des choses ? Non, le chômage est resté à 9%. Bah, vous voyez, ici, c'est vraiment la France. Antoine, qu'on a emmené à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'il connaît bien, puisqu'il y a habité. Ben oui, ben oui, ben oui, évidemment. Quand même, les primates, c'est bien. Hein, c'est le vous. Là, c'est le vous. Et puis, vous avez choisi d'autres latitudes, Antoine, et vous nous proposez Escale en Polynésie. C'est paru chez Gallimard. On peut dire que c'est peut-être même une encyclopédie subjective, parce qu'il y a vraiment tout, tous les confettis de la Polynésie. Ah oui, tous les confettis, et puis beaucoup de gens qui ont marqué la Polynésie, ça c'est très important. Voilà. C'est des rencontres, et puis des gens qui vivent là-bas en permanence aussi. Et de très très belles photos en tout cas, et puis on rappelle aussi le coffret anniversaire de vos fameux films. Vous avez retourné dans des conditions tout à fait modernes. Bon. Antoine, Caraïbes, Océan Indien, Polynésie, oulala. Bon, ça m'énerve tout ça. Tranquille. Antoine, il envoie du rêve. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir accueilli, je me suis bien amusé. Ah ben, nous aussi. Nous aussi, merci à tous. Le mot de la fin aux passeurs bénévoles qui aident les réfugiés à passer les frontières sans se faire choper. Dis au chef que pour aller en Angleterre, le mazout ça suffira. Mais faut pas zigzaguer, hein. Et donc, vous êtes cascadeur depuis combien de temps? Ça fait 30 ans que je sillonne les routes dans ce van. Et je dois avoir plus de 700 tournages à mon actif. Oh, c'est dangereux comme métier, non? Ah, je compte plus les brûlures et les fractures. Vous savez, le risque, c'est toute ma vie. Ah, vous vous arrêtez au passage à niveau, vous? On a le temps de passer, non? Ah bah, s'il y a bien une cascade que je tenterai jamais, c'est de franchir un passage à niveau fermé. Ne risquez pas votre vie au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Pour se relever d'un grave accident, Sylvain Tesson a traversé la France à pied du Mercantour au Cotentin. Par un pays sauvage et oublié, le long de chemins mystérieux. Il a fui le monde, son brouhaha, ses routes, ses systèmes, pour la vérité des paysages, domaine des bêtes et du silence. Il raconte cette incroyable traversée dans son nouveau livre sur les chemins noirs. Chacun peut s'enfoncer sur un chemin noir s'il quitte les sentiers balisés. Chacun peut choisir de vivre fidèle à sa géographie intérieure. Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson, aux éditions Gallimard. Bon chéri, pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA! France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le Festival Lumière 2016. Un festival de cinéma pour tous jusqu'au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon, présentées par de nombreuses personnalités. Retrouvez aussi la récréation en direct et en public à l'Institut Lumière ce vendredi à 16h sur France Inter. Il est 18h d'ailleurs sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter, le programme de ce jeudi soir, 18h15, l'Inde et Edward Snowden, avec comme trait d'union l'écrivaine indienne Arundhati Roy. Elle est de passage à Paris et sera l'invitée dans quelques instants d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur les retraites du privé, les retraites du public. Les régimes sont différents. Faut-il les harmoniser? Certains le proposent à droite comme à gauche. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal tout de suite, Lionel Thompson. Bonsoir. Bonsoir. Premier débat télévisé.